Salut à toutes et tous, la tribu. Bienvenue dans la 90e Vapeur Fix, la DER des DER, la dernière de la saison. Et c'est Spike qui débarque dans votre salon. Salut la tribu, c'est Spike. Et voilà, je vous retrouve pour la dernière de la saison, pour la 90, la spéciale DER des DER. Il y a un peu de monde avec moi. Allez Mélissa, allez Ticoque, allez, foutez-moi le bordel, nom de Dieu. Alors voilà, donc je tenais à vous remercier d'avoir été aussi nombreux de nous suivre cette année. On sera de retour au mois de septembre, aux alentours du 5 septembre à peu près. Et là, je vous ai préparé une spéciale, mais vraiment spéciale. Du live, des nouveautés, enfin bref, du culte, tout ce qu'il faut. On commencera tout de suite avec Love Child de Accept. C'est sur l'album Ball to the Walls, leur cinquième album sorti le 5 décembre 1983. On retrouve London Laser Boy, Fight It Back et Guardian of the Night, un classique de chez classique. On continuera ensuite avec Hot for Teacher en vinyle de Van Halen. C'est sur l'album 1984, sorti le 9 janvier 1984. On retrouve le classique Jump, Panama et House of Pain, notamment un autre grand classique. On continuera avec du son en cassette et en live avec Madness et On The Beat Pete. C'est sur l'album de MES Live Tape, sorti en 1983. On retrouve Solid Gone, Grey Day et My Girl, un classique de chez classique en reggae. On continuera avec une nouveauté, le monstre de Crashton Rock. C'est sur l'album Volteface qui vient de sortir là en mai 2017. Ils sont québécois. On retrouve sur l'album La Balle Perdue, le monstre, Brûle le Québec Brûle. Allez sur la page Facebook de Crashton Rock. Ils sont aussi sur Bandcamp. Et on finira ce bloc en live avec Mardis Fry de Fantastischen Wir. C'est sur l'album The Wir Dimension, sorti en novembre 1993. On retrouve Newsland, Tagammer et Gans Normal. Je les adore. 30 ans de carrière et malheureusement méconnus chez nous. Allez les découvrir. Ils sont sur Bandcamp, toutes les plateformes légales. Allez, foutez-moi le bordel! Yeah! Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Thank you. baptized everyone, represent every district, tourism, in every place, the media street, because I'm gonna be big, heaven, which I think I'm seeing, and let it go, take this place, I think, because I'm glad I won't be bad, is the way to a single person, is it good, is it sad, you look unhappy, it must be bad. Hello mate, been a busy day, ooh, I can't learn time from practice, but it's the last to tell the girls, good luck to you, come on, mate. Skibbity do not lie, on with people, so I said to you, I'm rotten dead, and I'm in the street, and you're so sweet, and you're so sweet, and you're so sweet, and someone will be, that's the way to a single person, that's the way to a single person, about policemen, if any of you bin noch ich neuen Reizen ausgesetzt und manches Dogma hat sich da aber schon dabei gehört. Warum alte Menschen Stabilität zur Rivalität, die Individuen Individualität verschmäht. Den Geist auf Diät gesetzt, aufgebläht mit Vorurteilen ferner Realität. Und seine Kapazität mit seiner Kreativität, seine Qualität liegt in der Virtuosität. Vitalität, Originalität, Genialität, Intensität, mit der er deine Seele berät. Und kompliziert, expandiert, dein Geist und isoliert. Das heißt, wenn du ihn befreist von dem, was er drangsaliert, mit dem man kollidiert, was ihn infiziert und ihn dann blockiert, egal was passiert, dein Geist wird niemals mehr zu dir machen. Der Schloss, ich weiß, du willst bis ganz nach oben, doch du musst das Erdgeschoss, der Geist braucht Energie und Erregung und Bewegung, denn Erfahrung ist Ernährung und Wissen ist Vermehrung. Ich ergänze und trainiere meine Geister, doch ich ergänze, dass Intelligenz nicht die Konkurrenz steht. Die Konsequenz ist, sich nicht als Baby zu bewegen, sich aufzuputschen, denn es ist so leicht, auf dem Lebensgrad das auszurutschen. Gehasst, geliebt, gesiegt, versiegt, du bist ein Teil von dir und ein Teil von dem, was dich umgeht. Ich such nach einer Kleidung, ich such nach Harmonie, treib in die Flucht und lege Dach und Bürokratie. Was ist die Legalität? Was ist Legalisierung? Klopp, klopp, klopp, klopp, klopp, machen auf den Job, klopp und gieß Anarchie in deinen Kopf, klopp. Foutez-moi le bordel! La sang, la chaleur montée en toi, hein? Vous êtes toujours dans la 90e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un bon bloc là. Love Child en live de Accept, Hot for Teacher en vinyle de Van Halen. On the beat, Pete! Ouais. De Madness, le monstre, le nouveau Crash Ton Rock. Et on a fini ce bloc en live avec Marsh Dish Fry de Die Fantastischen Vier. On continuera cette émission avec Evil Eye en live de Franz Ferdinand. C'est sur l'album Right Thought, Right Words, Right Action. J'arrive jamais à le dire. Attends, je recommence. Right Thought, Right Words, Right Action. Leur quatrième album sorti le 26 août 2013. On retrouve Right Action, Love Illumination et Love and Destroy. Un excellent album. On continuera avec un nouveau son un peu rap. Il n'est pas bien trouvable encore et c'est du excellent rap français indépendant. C'est Mélan et l'album s'appelle Froideur. Enfin, la chanson s'appelle Froideur parisienne. C'est sur l'album Vagabond de la rime, sorti en décembre 2016. On retrouve J'avance, J'échoue et je me relève, À l'instinct et Tourné en rond. Il est indépendant et font beaucoup, beaucoup de festivals. On continuera en live avec Making History de Linton Kwesi Johnson. C'est aussi le titre de cet album de 78. On retrouve The Eagle and The Beer, The Great Insurrection et Reggie Ferradney. Un excellent album, un classique. On continuera avec une nouveauté, Propinquity de Igor and the Hippie Land. C'est sur l'album Wonderful Circle, sorti le 12 mai 2017. On retrouve Be the One, The Man with No Name et Moon de Loon. Un excellent album. Allez sur la page Facebook, ils sont aussi sur Bandcamp. On peut commander les CD directement de la page Bandcamp. Allez-y, c'est du très lourd. Et on finira ce bloc avec une nouveauté et un live. C'est We Are an American Band et le groupe c'est Dead Daisies. C'est sur la compile Rock Hard 1975, sortie dernièrement. Une excellente compile. On retrouve Getaway en live de Dimmu Borgir et A Raid de Siren. Voilà. Foutez-moi le bordel! Ta very much, ta very much. Thank you. You're doing all right tonight, yeah? Oh, you can't look all right. Evil eye, I have the evil eye. What's the color of the next car? Red, you bastard! Yeah, red, you bastard. I don't believe in God, but believe in this shit. Not me. I like to bring them down. Not me. Some fool who dumb down do, but not me. And some people get a freak out of me. Some people can't see that I can't see. Some people wanna see what I see. Some people put an evil eye on me. Well, I have the evil eye, and I see your soul, 'cause you wear it on your face, and it's the one in what you do. And what's the color of the next car? It's red, you bastard. Yeah, red, you bastard. I don't believe in God, but believe in this shit. Maladroite comme un obèse en delta plat. J'affûte mes lettres, je peux faire des sons d'une heure si ma rime baigne dans la froideur, je pète des caissons, ma plume est d'humeur parisienne. Je veux tout niquer, on pourra pas scandaliser les scores, frauder sans ticket, voler de la tisse, vandaliser les stores. C'est pour les frais, et ceux qui arrivent à rien s'en tapent des coups. C'est pour les frères, qui traînent comme des chiens, toujours en bas des tours. C'est pour les frères. C'est pour les frères, 7-814 sur les dorsaux. Pour ceux que l'on défère, des fiers de corps gravés sur mes morceaux. Je me fais ma place, écoute, j'écris des rimes grasses entre pontées. C'est grave dans le rap, ça joue des coups, c'est gris comme un métro bondé. Je déchire le mic, donc nonchalante sera la prestation. Aucune contestation, aucun crack, aucune attestation. Moi je gueule ma race, j'emmerde le monde avec 13 litres de rhum. Mortel, détruit mais toujours debout comme les vestiges de rhum. Que ta vandale, jeune de Panama, pas un habitué de la place Vendôme. Comme un attentat, quand je vois déambuler un tas de fantômes. Gratter des faces, c'est fait pour se vider, mais pas comme baiser des tasses. Blasé, je m'efface, je reste bloqué. À l'époque des plus états, la royauté, valeur numéro 1, gros devant tout égo. Pas de royauté, tout ce clandestin vu qu'on est tous égaux. C'est pour les vrais, celui que la froideur fait qui sent plus ses doigts. C'est pour les frères, qui squat jusqu'à pas d'heure, toujours en bas de chez toi. Toujours en bas de chez toi. C'est pour les frères, oh. Froideur parisienne. Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Now tell me something, Mr. Copperman, tell me something. How long you really feel you would have keep way under heel when the truth unrevealed? But how you grab and steal, but how you make your crooked deal, make your crooked deal. Eh? Well down in Southall, where peach the dead far. The Asians them farm up a human wall. There's the fascists and them police shame. And them sure that the Asians got plenty zeal. Got plenty zeal, got plenty zeal. It is no mystery, we're making history. It is no mystery, we're winning victory. It is no mystery, we're making history. It is no mystery, we're winning victory. But tell me something, Mr. Police Sportsman, tell me something. How long you really think we would have take your baton lick, your jackboot kick, your dirty bag of trick and your racist politics, your racist politics? Eh, eh, eh. Well down in Bristol, they have no pistol, but them chase the Babylon away. Man, you shouldn't see your Babylon, how them really run away. You shouldn't see your Babylon, then pick up that gear, pick up that gear. Pick up that gear, it is no mystery, we're making history. It is no mystery, we're winning victory. It is no mystery, we're making history. It is no mystery, we're winning victory. But tell me something, Mr. Right Wing Man, tell me something. How long you really feel we would have grovel and squeal when so much murder conceal, when we wound can't heal, when we feel the way we feel, feel the way we feel. Eh? Well, there was Topstep, and there was Moss Side, and a lot of other places where the police had to hide, and Brixton, and Chapeltown, and a lot of other places that was burnt to the ground, burnt to the ground, burnt to the ground. It is no mystery, we're making history. It is no mystery, we're winning victory. It is no mystery, we're making history. It is no mystery, we're winning victory. Great insurrection and making history. Right now I'd like to do for you the title track from my CD, Things and Times. Vous êtes toujours dans la 90e Vampire Freaks, la dernière de la saison en public. Foutez-moi le bordel, c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un bon bloc là. Evil Eye en live de Franz Ferdinand. Froideur parisienne, le nouveau Mélan. Making History en live de Linton Cozy Johnson. Propy Quinty, le nouveau Igor and the Pillen. Et on a fini ce bloc en live avec We Are an American Band en live de Dead Daisy. On continuera cette émission avec Just Because en live, toujours du live, 100% live aujourd'hui. De Jane Addiction, c'est sur l'album Strays, sorti le 22 juillet 2003. On retrouve True Nature, Super Hero et Hypersonic, un excellent album. On continuera avec une autre nouveauté, No Matter Where You Come From de The Bink, c'est sur l'album So What, sorti le 23 septembre 2016. On retrouve Grand Périple, Don't Be a Victim en featuring avec Naman et Rise Up, un excellent album. On continuera avec du gros lourd, Rothschild en live de Iron Maiden, c'est sur l'album Killers, leur deuxième album, sorti le 2 février 1981. Et on retrouve Murder in the Rue Morgue, Another Life, Prodigal Son. Et dans cette version, c'est Bruce Dickinson qui chante. Au lieu de Paul Diano, du son culte. On continuera avec une nouveauté, Camagueule des Embombeurs. C'est sur leur premier album, Sourire Exigé, qui vient de sortir. Et on retrouve Afous, Zimen, Big Up. Allez sur la page Facebook, ils sont aussi sur Bandcamp. C'est un groupe de Haute-Loire à découvrir d'urgence. Et on finira ce bloc en live avec Suzy Q de John Fogerty, qui est un ancien CCR, Creedence Clearwater Revival. C'est sur l'album Premonition, sorti le 9 juin 1998. On retrouve Bone on the Bayou, Green River et Bad Moon Rising, du son culte. Foutez-moi le bordel! They ask me why do I do it? Is it for the money? I say to them, just because. I'm Better watch out. New York City. Hot down somewhere in the city. Back of my neck getting dirty and gritty. Cool down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. Spire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Mais que faire, j'ai les mains liées. Je vois bombardement et sécheresse, mais cela ne m'empêchera pas d'oublier. Dans l'espoir que le temps vous déstresse, je me dis que demain sera une autre journée. Je prendrai de vos news par la presse, de suite à la pause déjeuner. Car l'égoïsme est une forteresse dans laquelle je suis enfermé. Tant tout est rose, tant pis pour le reste, tant pis pour ceux qui meurent affamés. Car l'égoïsme est une forteresse dans laquelle je suis enfermé. Tant tout est rose, tant pis pour le reste, tant pis pour ceux qui meurent affamés. Car ma gueule, car ma gueule, car ma gueule. Pétrime. Moi j'ai besoin de pétrole. J'ai besoin que des mômes aillent dans des mines, afin que les miens aillent à l'école. Peu importe qui bosse dans ces usines, où l'on fabrique des maillots de football. Moi je veux voir briller Karim, avec Madrid dans la Ligue des Champions. Car l'égoïsme est une forteresse dans laquelle je suis enfermé. Donc tout est rose, tant pis pour le reste, tant pis pour ceux qui meurent affamés. Car l'égoïsme est une forteresse dans laquelle je suis enfermé. Donc tout est rose, tant pis pour le reste, tant pis pour ceux qui meurent affamés. Car ma gueule, car ma gueule, car ma gueule. Hier j'étais Charlie, avant-hier j'étais l'abbé Pierre, aujourd'hui je suis Jean-Marie, quand il s'agit de mes frontières. Car l'égoïsme est une forteresse dans laquelle je suis enfermé. Tant que tout est rose, tant pis pour le reste, tant pis pour ceux qui meurent affamés. Car ma gueule, car ma gueule, car ma gueule. Thank you. Ça va tout le monde ? Ouais, ça va. Vous êtes toujours dans la 90e Vampire Freaks, la DRDDR en public et en folie. Toujours, c'est Spike qui débarque dans votre salon. Alors, on vient de se faire Just Because en live de Genediction, No Matter Where You Come From de Dubbing, Right Child de Iron Maiden en live, Camagueule, une nouveauté des Jean Bombeurs du nouveau CD. Allez sur la page Facebook des Jean Bombeurs. On a continué avec Suzy Q, on a fini du mois avec Suzy Q en live de John Fogerty. On continuera cette émission avec Arrête de parler en live des Shérifs. C'est sur l'album Bang en live, donc en 2014. On retrouve Idéfix, Bon à rien, la saga des Shérifs et tous leurs meilleurs titres. On continuera avec une nouveauté, Prince of the Middle East. C'est du groupe Furies, leur premier EP s'appelle Unleash the Furies. Il vient de sortir. On retrouve La Guerrière, Prince of the Middle East et The Unleash Furies. Unleash the Furies, pardon. Allez sur la page Facebook de Furies, elles sont aussi sur Bandcamp, un petit like au passage, ça fait toujours plaisir. On continuera avec une nouveauté, oh, c'est pas tout à fait une nouveauté, mais c'est du live, c'est Rastafarien, Rasta la maison de Les Crétins des Alpes, c'est sur le coffret DVD Jouer dans ta ville qui est sorti en avril 2017. On retrouve La Brune ou la Blonde, Punk à Chien, et Crétin Forever, et Mazorette, enfin bref, tous leurs tubes. Allez sur la page Facebook de Les Crétins des Alpes, je les adore, ils sont aussi sur Bandcamp. Un petit like au passage, ça fait toujours plaisir. On continuera avec L'Étoile du Nord de JPL, c'est single d'un album à paraître dans l'année. Allez sur la page Facebook de JPL. On finira ce bloc en cassette et en live avec Les Naufragés. Reste avec moi en concert 1996. On retrouve l'harmonica, Rejoins-moi, Le Lanaquin Salamand. Ils sont en tournée actuellement et préparent un nouvel album. Allez ! Envoie le son ! Arrête de parler pendant que tu dors ! Maintenant, il y a deux nouveaux shérifs. Patrice à la guitare. Et Sam à la batterie. Ils ont tous les deux perdu leurs cheveux en 10 ans, c'est marrant. Hein. Je dis rien. Hein. Ça s'appelle Putain que ça fait mal. on est les crétins des Alpes, en direct sur Vampire Freaks. On va dédier ce morceau à tous ceux qui ont eu le malheur de rester chez eux ce soir et savent pas ce qu'ils ratent, n'est-ce pas? À tous les fainéants de la terre. Voici Rastafarien, Rasta à la maison. Écoute ça. n'êtes pas sans savoir que ce soir, les crétins des Alpes font leur DVD live avec vous. Si vous voulez avoir l'occasion de venir faire un petit tour avec nous sur la scène, c'est dans le prochain morceau qu'il va falloir le faire. Car chez nous, les crétins des Alpes, on est très très forts. On est capable d'une Harley Davidson, de vous fabriquer un Massé Ferguson. Thank you. l'heure de tous les délires. Maintenant c'est le moment ou jamais. Ils sont si doux les bras de la tentation. Avec les pas de doute, une fois n'est pas coutume. Reste avec moi. Reste avec moi. Reprends ton corps, reprends ton âme. Les possédés ne me suffit plus. Vous êtes toujours dans la 90e Vampire Freaks, la DRDDR, dernière de la saison. Et ici, c'est la folie dans le studio. Il y a le feu dans le studio, on continue ? On vient de se faire un bon bloc là. Arrête de parler en live des Sheriffs, Prince of the Middle East, le nouveau Furies, Rastafarian, Rasta la maison, en live des Crétins des Alpes, l'Étoile du Nord, le nouveau JPL. Et on a fini ce bloc en live avec Reste avec moi des Naufragés. On continuera avec, allez, un gros délire, le combat de rock en live de Richard Gottener et Bernie Bonvoisin. C'est la bande originale du film Rendez-vous au tas de sable, sorti en 1989. On retrouve La musique est un bouquet, Petite bouille et Et Mon cœur est un yo-yo, notamment un excellent album et une excellente chanson. On continuera avec du live The Monkey de Manu Chao. C'est sur l'album Radio Bemba Sound System, sorti le 17 septembre 2002. On retrouve Machine Gun, Mr. Bobby et King Kong 5, un classique. On continuera avec un live Les requins marteaux de Los Tres Puntes. Los Tres Puntos, c'est sur l'album 10 ans ferme qui est sorti le 6 février 2006. On retrouve Perpetua, La chaleur de vos voix et Le Maquis. On continuera avec une grosse connerie parce que bon, tout le monde dit Spike, ça vient d'où Spike ? Ben en fait, Spike, ça vient d'une série qui passait dans les années 90 qui s'appelait Buffy. Et il y avait un personnage qui était très charismatique et très méchant qui s'appelait Spike, le sanguinaire, Bloody Spike. Et donc du coup, pour la peine, je vais vous passer le thème de Buffy par 9 Herder. C'est sur l'album Buffy de Vampire Slayer, dit album, sorti le 19 octobre 1999. On retrouve Temptation Wait de Cobaye et Already Met You et Superfine, un excellent album. Et on finira ce bloc en live avec Hordes of the Chaos de Creator, c'est aussi le titre de l'album qui est sorti le 13 janvier 2009. On retrouve Workers, Escalation et Demon Price, un bon album de ces Allemands qui vieillit très très bien. Je vois Marilyn faire le houli-gouli. c'était la plus sympa. Chanson est pure. Dégagez, passe de rat avant qu'on vous chie dessus. Ah, messieurs, s'il vous plaît, restons corrects. Pas de coups bas, je vous en prie, pas de coups bas. Allons-y. Et un, deux et trois, je suis très malheureux. Pas dans les couilles, c'est absolument interdit. Et toi, ça fait déjà un moment que ça me chatouille. Da da da. too. Man, they say from my own upper race. Funny idea, it's a big disgrace. Man, I never do so that he's gonna eat baby and run for life. And another thing said, I'm gonna want to go on at night, then I get on the stew. Use a gun, a club or knife, like another monkey's life. Man, they say from the west coast bomb, blast from us, it did not come. Vampire Frix, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Ça va tout le monde ? Ouais. Vous êtes toujours dans la 90e Vampire Freaks, c'est un DRDDR. On vient de se faire un bon bloc là. Le combat de rock de Richard Gauthier et Bernie Bonvoisin. De Monkey en live de Manu Chao. Les requins marteaux en live de Los Tres Puntos. Le thème de Buffy de Nerf Herder. Et on a fini ce bloc en live avec Hordes of Chaos de Creator. Cette 90e touche malheureusement à sa fin. Je remercie encore de l'avoir suivi. On se retrouve cet été sur Indé Spirit à la même heure que d'habitude. Je voulais remercier Alain de RTM, Diane Fashing, Diane de Fashing Web Radio au Québec, Patrick de Arden Café, Jean de Allo Kazik, Bernard de Spirit et Bernie de Spirit Web Radio et Indé Spirit, Sébastien de Fréquence Creuse, Olivier de VIP Radio, Christophe de Génération Woodstock et Sergi de Dolaison FM pour m'avoir diffusé toute cette année. J'espère qu'on se retrouvera au mois de septembre. Vous les radios que je viens de citer, dites-moi si vous faites des rediffs cet été au cas où. Je vous filerai le site archive.org où il y a tout le podcast des émissions. Que dire, merci aux copains qui étaient là, merci à Mel, merci à et tous ceux qui sont pas venus, mais bon. Et donc cette on va dire, allez, on va se retrouver à peu près aux alentours du 5-6 septembre à peu près. Je peux pas vous dire à l'année prochaine, je vous dis juste en septembre. Allez, donc 41 septembre, n'oubliez pas, Vampire Freaks, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à tous et toutes, la tribu en fait. On finira ce bloc toujours en live avec Commandante de Fatal Picard. Allez, salut à toutes et tous, ciao. Parle tous espagnol, formidable. On va pouvoir la tuer cette putain de guerre. Peut-être. C'est juste une chanson. Moi j'y crois. J'entends un peuple qui se lève. Después de 300 metros, tomé la salida. Les générations qu'on enchaîne. Después de 200 metros, tomé la salida. Le futur n'est qu'une question de temps. Después de 200 metros, tomé la salida. C'est pas hier, c'est maintenant. Chante en espagnol, compañero, ¿dónde está el sol? Traîné par terre dans l'eau déserte, crevé de faim, la gueule ouverte, pour se relever chacun des hommes, comme une révolution qui résonne. Et j'ai chanté les lendemains, demain que ferai-je de mes mains? Des lettres comme un coup de sang, déjà pressé d'être moi. Alors je chante en espagnol, compañero, ¿dónde está el sol? Je chante en espagnol, compañero, ¿dónde está el sol? Passé du crépuscule à l'ombre, passé de la nuit au décombre. De l'attente à non plus finir, de l'attente à non plus finir. Du désespoir en vomir, du désespoir en vomir. Chante en espagnol, compañero, ¿dónde está el sol? Alors je chante en espagnol, compañero, ¿dónde está el sol? Uare, uare, uare, comandante, uare, uare, uare, comandante. J'irai devant, j'irai marcher. Attendez, vamos, attendez, vamos. J'irai devant, j'irai marcher. Attendez, vamos, attendez, vamos. Alors je chante en espagnol, compañero, ¿dónde está el sol? Alors je chante en espagnol, compañero, ¿dónde está el sol? Alors je chante en espagnol, oh, compañero, ¿dónde está el sol? Oh, alors je chante en espagnol. Alors vous l'avez calculé comme nous, 3 moins 1, 3 moins, c'est enfin fini, bref, c'est la dernière chanson, cette dernière chanson, C'est un coup de gueule. Je crois que vous allez le pousser avec nous contre ces importations de voitures japonaises qui sont hyper dangereuses puisqu'elles ont des pare-buffles à l'avant qui font des chocs électriques et en plus ils ont des rétroviseurs qui en forme de soucoupe volante qui s'envolent et ça c'est hyper dangereux. C'est une marque connue comme ça, comment ça s'appelle? Nissan Hack, non? C'est Toyota, ça se termine en Hack. Non, Subaru Hack, non. Quoi?